sert à la cinquième éclipse, un sol nourri par le pourrissement de la chair, ne donne à récolter que les moissons de la colère. Sur ce fertile, la fauche se récolte d'eau, s'il mérite signer car elle était signée. Ses proches n'étaient le ficelle de la guillotine, que soit la machine de l'église restaurée. Les restes saturés de poussière de calcium, les restes capés se shootent avec des injections de carbone, que Dieu les pardonne, il a besoin de la mort pour exister. Le sol c'est pur d'uranium, et pour ses hommes, il est pur. Le seul son qu'on entend par de la plaine, c'est leur rire, leur cri, l'arstrin dans la serrant comme ceux des hyènes. Le ciel vire au gris, les nuages s'étalent comme les métastases, des larmes liquides, elles prient dans un état d'extase, de transe, récitant des pages de sanskrit. Cette résonance fait vibrer les entrailles de notre mère, la terre, les ultrasons qu'elle renvoie rappellent les baleines dont on ne voit plus que les cimetières. De Troie, une fois décédé, se déverse le feu. Nos neurones ne connaîtront après application de poison. Regarde, c'est la l'homme suspendu. Le sang et les sens sont à l'émission. Quelques usines en ruine tournent encore les sacoutines comme des mécaniques foliées emballées parlant la langue des trésors. Mutilés, les métals, graisse et sable s'entrechoquent comme des os arthrosés. Des arbres terrassés, les désos et des arts. Que les décollines arrivent au sommet desséché pour les fonds acides et asséchés. Les cinq fleuves se rejoignent à la voie qui concentre la pestilence. Seule une peuplade de vomiture éternelle maîtrise encore le sens. Et les derniers damnés s'immolent. La fumée qui s'élève devient la charogne des anges déçus qui grognent. Les anges échappent les fragments d'une parole inconnue. La vérité possède sans visage. Tous résonnent. Dans cette fontaine de cristal, dont émane les ondes fatales qui emprisonnent les peurs et les craintes dans de minuscules cages. Tout n'est que tectonique et chaos schismatique. L'érosion des pluies acides accélère tout métabolisme. Maintenant se régale. Mes larmes ont dépassé mes amygdales. Mais sous la lune, je suis calme.